Si, je vous en prie. Je suis telle une tache de sang sur un sarrau. Difficile de s'en débarrasser. Je débuterai ce soir le spécial 1998. Spécial qui, comme tout celui de 85, se commettra sur deux ou trois émissions. En plus des présentations de nouveautés, bien entendu. Et j'entends déjà les questionnements tels que « Pourquoi un spécial sur 1998? » Eh bien, voici pourquoi, mes chers petits amis. Tout simplement, parce que ça me tentait de le faire, bande d'ignores indigestes. Ça ne vous plaît pas comme réponse? OK, so turn it off. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. En fait, je dis parfois, mais dans mon cas, c'est pas mal tout le temps. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated because I, Pendragon, said so. Go. Ways of John Lecrae.

Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 8 mars de l'an de disgrâce 2016. C'est la première de 2016, effectivement. Oui, j'ai été absent les deux dernières émissions. La première, soit le 23 mars dernier, bien, c'est parce que j'étais en train d'assister au spectacle d'adieu de Black Sabbath au Centre Bell de Montréal. J'en ai parlé un petit peu avec le Rockmaster à Rock Classic, soit trois jours plus tard. Je n'ai pas parlé de sa réanimation, mais je peux vous dire que c'était vraiment excellent. C'était un très, très bon spectacle de tournée d'adieu. Et puis ceux d'entre vous qui sont des fans de Sabbath, comme je le suis, et qui l'ont manqué, ben, tant pis pour vous. Et la semaine dernière, je ne pouvais être ici parce que même si je suis médecin, semble-t-il que je suis incapable de me soigner. Donc, le vilain, méchant, gras, épouvantable, tourmentant virus de la grippe s'est emparé de moi. Et il est toujours en moi actuellement, mais je dirais que ça va passablement mieux. Donc, je suis avec vous ce soir. Et cette première émission du mois de mars, comme elle devrait être la semaine dernière, ben on reprend ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire que ce soir, j'ai des trois présentations de nouveautés qui sont, oui, sont encore nouvelles, effectivement, mais elles sont un petit peu moins que lorsque je devais le faire. Et j'ai aussi le début de ce spécial 1998, et comme je l'ai dit d'emblée lors de la présentation d'émission, il y a plus tôt, en fait, je dirais une vingtaine de minutes. Pourquoi 1998? Ben, simplement parce que je considère que c'est une année qui était intéressante, mais parce que ça me tentait de le faire. Voilà tout. On vient d'entendre à l'instant la formation 8 et la pièce Alchemy of Blood, qui est tirée de l'album Solar Flesh, A Gospel of Radiant Divinity, qui est paru en 2013 sur Napalm Record. Juste auparavant, nous avions la défunte formation Vomitory et Bloodstained, tirée du dernier album qu'ils nous ont laissé en 2011, soit Opus Mortis 8, sous étiquette Metal Blade. Malevolent Creation et la pièce Conflict Finalized, qui est tirée de Invidious Dominion, l'avant-dernier de 2010, sur Nuclear Blast, et nous avons ouvert avec Entombed AD et la pièce Bedlam Attack, tiré du premier album de Entombed AD, soit Back to the Front, qui est paru en 2014 sur Century Media. D'ailleurs, en parlant de Entombed AD, ils feront partie de mes présentations de la semaine prochaine, mais j'y reviendrai plus tard. La première présentation que je vous fais, eh bien, il s'agit d'une formation montréalaise qui en est à son... Ben, en fait, c'est leur deuxième EP. Donc, mini-album, si on veut. Il y a un album complet studio qui est paru en 2012. Je parle de Buffalo Theory MTL, Montreal, qui donne dans un heureux mélange de Doom, de Stoner et de Southern Metal. Formation qui existe depuis 2009, qui met, entre autres, en scène des membres, ex-membres de Goulonatics, soit Gary Lyons, Brian Craig, Yannick Pilon, qui était dans Sonic 33, Pat Gordon, des Goulonatics aussi, et les Écorchés. Anton Parr, qui était dans un ex d'Avalon de Damage et de Steel, donc, et Overtrash. Bref, moi, j'aime bien cette formation. J'ai trouvé que jusqu'à présent, ce qu'ils nous avaient présenté, c'était de très bonne qualité. Ça sonne de façon, je dirais, internationale. C'est une musique... faut aimer le stoner, le doom dans le style, ce qui est mon cas, mais c'est une musique qui est bien fait, et puis l'ensemble généralement donne un produit assez intéressant. Je vous propose deux pièces tout de suite qui sont tirées de ce nouvel mini-album Skeptic Night, qui est paru le 26 février dernier, donc ça fait déjà quand même quelques semaines. Je vous propose la pièce Conspiracy in Paranoid Land et Punishment. Donc, tout de suite, sans plus attendre, Buffalo Theory MTL. Let's go! We'll be right back. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, WoWat Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est 9h34 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. On vient d'entendre deux pièces tirées du nouveau mini-album de Buffalo Theory Montreal, soit Skeptic Knight, qui est paru le 26 février dernier sous Stand Production. On vient d'entendre Punishment et Conspiracy in Paranoid Land. Album qui comporte, si on veut, d'une certaine façon, quand même 5 pièces pour une durée de 15 minutes 50, pratiquement 16. Les 5 pièces sont tous bonnes. Donc, moi, personnellement, je vous le recommande chaudement de découvrir cet album. C'est du bon matériel qu'ils nous font jusqu'à présent. Je pense qu'ils vont continuer à en faire. Autre truc musical. Tiens, pourquoi pas faire une petite incursion dans la chronique musicale, parce que il y a eu quelques trucs que j'ai découverts depuis la dernière fois. Ça va être la même chose au niveau du cinéma. Un truc à éviter, c'est une formation suédoise qui donne dans un métal industriel qui porte le nom de Rob Terror. Et l'album est Barsarkagang. Ben, en fait, je peux pas vous dire si ça se prononce vraiment comme ça. Il y a des petits simagrées sur les hops, sur quelques lettres, là, mais bon. C'est sous étiquette Despots Records. J'ai trouvé ça vraiment très mauvais. Simplement très mauvais. Bref, vous pouvez en faire la découverte si vous le voulez, mais moi, personnellement, je pense que vous allez perdre votre temps. Autre truc, en fait, ça, je vais le présenter un peu plus tard ce soir. Le nouvel album d'Anthrax, album qui porte un nom For All Kings. Alain l'a présenté de façon plus approfondie cette semaine à Rock Classic. Moi, j'ai un peu de misère avec cet album-là. Je le trouve pas mauvais, mais j'ai un petit peu de retenue, surtout au niveau du vocal. Je suis un nostalgique de John Bush au niveau du vocal d'Anthrax. Et Joey Belladonna, sans lui rien lui reprocher, en fait, plus précédemment, lors de ses premiers albums, je trouvais que c'était correct. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu de difficulté avec son timbre de voix. Bref, c'est pas mauvais. C'est bien produit, par contre. Mais je suis pas certain que j'en ferai un album que je vais diffuser très régulièrement. Autre truc, ça va être la semaine prochaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Entomb AD avec Dead Down. Nouvel album que je vais présenter la semaine prochaine. Très bon. Aussi, une autre formation australienne, soit Destroyer 666 et la pièce l'album Whitefire. C'est vraiment un album extraordinaire. Je le présente aussi la semaine prochaine. Et jusqu'à présent, c'est peut-être mon album de l'année. L'année est jeune, mais jusqu'à présent, c'est potentiellement lui. Il y a Voivod aussi, bien sûr, qu'on a écouté ici à Rock Classic ce vendredi avec deux pièces sorties de ce mini, soit Past Society. Très bon album pour Voivod. Très intéressant. Et une excellente reprise de Hawkwind sur cet album. Hawkwind, qui bien sûr était une formation dans laquelle a évolué Lemmy, le regretté Lemmy. Et d'ailleurs, Voivod reprend une pièce qui était chantée à l'époque par Lemmy. C'est une très bonne parution, très bonne reprise. Et à noter que c'est le premier premier enregistrement studio original auquel Dominique Rocky Laroche participe, ce très bon bassiste. Autre truc que j'ai découvert, c'est une formation américaine qui porte le nom de Nightkin, qui donne dans un black death metal. L'album étant Halt of Elucidation, paru sous étiquette indépendant et de façon digitale. Ben, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'est rien qui est venu m'accrocher véritablement. Il y a quelques bons segments, effectivement. Un vocal très correct d'outre-tombe. Mais il y a des aspects qui sonnent pas bien à mon oreille, soit la guitare très black, très... Ben, très, en fait, d'influence. Puis le son de la percussion du drum qui donne l'impression d'être très synthétique. Ça m'achalait un petit peu. Dans l'ensemble, c'est correct. Autre truc que je me propose de découvrir d'ici la semaine prochaine, c'est une formation suédoise qui donne dans un stoner doom prog metal. Il s'agit de New Keepers of the Water Towers. L'album étant Infernal Machine. Bref, je vous en parlerai en temps et lieu. On va débuter ce spécial 1998 immédiatement avec quatre formations qui ont sorti respectivement leur 8e, 6e, 5e et 6e album également, soit entre le 24 février et le 20 avril 98. Je parle de King Diamond, Morbid Angel, Benediction et Cannibal Corpse. Formation que j'aime tous, que j'aime toutes, pardon. Donc, débutons ce spécial avec King Diamond, comme je le disais, et la pièce Salem, tirée de Voodoo, qui est son 8e album, paru le 24 février. Je veux dire, animation jusqu'à 21h. Yeah! Go! Ah oui! J'allais oublier. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vous demandez qui, hein? Ben oui, Horace. Ben pour une fois, il est d'accord. Let's go! Let's see now. Feel the ice and winter beyond. See the lost tears.

Pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 11 mars 21h30, le trio Néligan est de retour au Zénob pour votre pur plaisir. Pour une soirée jazz de qualité, venez découvrir ou redécouvrir le trio Néligan ce vendredi 11 mars 21h30 au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes sub-pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fait, assez fait. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, et ce jusqu'à 21h en ma charmante compagnie. C'est le Dr. Pain Pendragon. On vient d'entendre la formation, juste avant cette pause publicitaire, bien entendu, la formation américaine de Cannibal Corpse et la pièce Sentence to Burn, qui est tirée de Gallery of Suicide, qui est parue le 20 avril 98 sous étiquette Metal Blade. C'était le 6e album de la formation. Juste auparavant, nous avions les Britanniques de Benediction et de Bodyless, tirés de Grind Bastard, 5e album paru le 30 mars sur Nuclear Blast. Morbid Angel, autre formation américaine, et la pièce Invocation of the Continual One, qui est tirée du 6e album Formulas Fatal to the Flesh, paru le 24 février 98, bien entendu, sur E-Rake. Et ça, c'est une de mes 10 meilleures pièces métal à vie. Évidemment, en compagnie, entre autres, de Evil, The Merciful Fate, The Angel of Death, The Slayer, The Reanimation, The Sacrifice, et bien sûr de 6 autres. Et justement, nous avons ouvert avec King Diamond. Bon, Merciful Fate, King Diamond, sensiblement, c'est du même côté, hein. Formation du Danemark, bien sûr, King Diamond, et la pièce Salem, qui est tirée de Voodoo, qui est parue le 24 février sur Massacre Records. C'était le 8e album de King Diamond. Ceci étant dit, je vous amène à la deuxième parution de la semaine, deuxième nouveauté, formation grecque qui vient de Attica, à Athènes, soit Rotting Christ. Je vous parle de leur 12e album studio complet qui est paru le 12 février dernier. Ça fait déjà, pratiquement un mois. L'album porte le titre de Ritual. Et que dire de Rotting Christ? Eh bien, moi, personnellement, j'ai généralement parlant, bien aimé ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Je ne trouve pas que ce sont des albums qui sont tous égaux et bons dans leur entier. Mais il y a d'excellentes parutions, entre autres telles que Terra Gonia et Katadon Daimona, qui est le préféré. Katadon Daimona, Aitoy, qui est le précédent. Qui est le précédent de 2013. Pour moi, ce sont de très bons albums et ils sont supérieurs à ce Ritual qui, ma foi, je l'ai trouvé assez particulier. Je ne l'ai pas détesté. Je ne peux pas dire que je l'ai aimé non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que... Rotting Christ, j'allais dire le groupe, mais sur cet album-là, il ne reste que deux membres. explorent beaucoup, franchissent écrasent des barrières littéralement dans le conformiste du métal, ce qui est tout à leur honneur, mais en même temps, est-ce que ça plaît à tout le monde? Ben, moi, je fais pas partie de ceux-là. Je l'ai pas trouvé mauvais, comme je l'ai dit, mais c'est loin d'être mon préféré. Je vous propose deux pièces tirées de cet album Ritual, soit la 8e et la 7e, dont la 7e porte le titre For a Voice Like Thunder, qui met en vedette Nick Holmes, qui est bien sûr le chanteur, entre autres, de Paradise Lost, mais aussi de Bloodbath maintenant. Donc, on débute tout de suite avec la pièce qui s'appelle Conks on Pax. Tous les deux des pièces tirées de Rituals de Rotting Christ. Et vous en serez le meilleur juge. Let's go. war. When the senses are shaken and the soul is driven to madness, who can stand? When the souls of the oppressed fight the air that rages, who can stand? When the whirlwind of fury comes from the throne of God, when the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? Who has caused this? Here we go, Kevin! 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. Vous cherchez un emploi permanent, d'été ou un stage dans votre domaine d'études? La Journée carrière 2016 est la journée qui changera peut-être votre vie. Le service d'aide à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières convie les étudiants et diplômés universitaires le mercredi 16 mars prochain de 11h à 16h au CAPS de l'UQTR pour la Journée carrière. De nombreuses entreprises de plusieurs régions du Québec seront sur place pour faire du recrutement dans divers secteurs d'activité. La journée carrière, le mercredi 16 mars prochain, la journée qui changera peut-être votre vie. Pour de plus amples renseignements, consulte le www.uqtr.ca/jc. Tire-toi une bûche, activité 6. Le mercredi 16 mars de 11h30 à 13h, rends-toi entre les pavillons Albert-Tessier et Néré-Beauchemin de l'UQTR, présente ta carte étudiante et participe au concours Lance ta bûche dans le cadre de la Coupe des Assauts. Tire sur la neige gratuite pour tous. 500$ en prix de participation à gagner. Le 16 mars prochain, tire-toi une bûche. À votre gauche, une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de CIFU 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes assez fou pour l'écouter. CIFU 89.1. Vous êtes à l'écoute de réanimation, les Undead Incorporated Show, ça jusqu'à 21h. On ne regarde pas et on regarde surtout pas à dépense, nous autres, c'est assez fou. Pff, n'importe quoi. On vient d'entendre la formation grecque Rotting Christ, c'est deux pièces tirées de ce nouvel album Rituals qui est paru le 12 février dernier sous étiquette The Season of Mist, soit For a Voice Like Thunder. Auquel on retrouve l'addition du vocal de Nick Holmes et la pièce Conks Ampax, qui sont respectivement la 7e et la 8e. Ben, en fait, je disais tout à l'heure que c'est pas mon préféré, c'est effectivement pas mon album préféré de Rotting Christ, c'est encore moins mon album préféré de metal. Par contre, il y a de très bons trucs dessus, comme moi, à mon goût, se démarque du lot, voilà. Notez aussi que pour le personnel qui apparaît sur l'enregistrement de cet album-là sont les deux frères Talis Swatemis et Sakis, respectivement drummer ou batteur si vous préférez, et guitare, vocale, basse, écriture et parolier, qui est Sakis. Bon, on ne dit pas que les autres ne sont plus dans le groupe, mais semble-t-il que ce seront seulement ces deux membres-là qui auront collaboré à faire l'apparition de Rituals. C'est à découvrir, absolument. C'est un album à découvrir. Je sais que j'écoutais l'émission de mon ami Tower, Subversion, qui disait que lui était pas très porté sur Rotting Christ. Ben justement, c'est la beauté de la chose, c'est que il y en a pour tous les goûts généralement du métal. Je fais une petite incursion au niveau du cinéma et séries télévision. Bien, depuis vendredi dernier, le 4 mars, un des films qui est en salle sur grand écran, c'est London Has Fallen, un film d'action mettant en vedette Gerard Butler, un film de Babak Najafi. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est, j'en ai aucune idée, mais c'est peut-être intéressant à voir ce genre de film qui, semble-t-il, est un film d'attaque terrorisme, je crois. À Londres, bien entendu. Un film que j'ai vu dans les dernières semaines, mais que j'ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment apprécié, parce que je me suis bidonné, comme ça se peut pas, c'est un film qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Anthony Mackie. C'est le film The Night Before, qui raconte l'histoire de trois jeunes amis d'enfance qui, à chaque année, se réunissent pour fêter la veille de Noël. Mais c'est vraiment drôle. Et je dois dire que Seth Rogen ne laisse pas sa place, surtout les séquences, ben en fait les séquences, une partie du film où il a consommé des substances illicites et qui est complètement déjanté. C'est très drôle. C'était tellement drôle que j'ai dû arrêter le film à quelques reprises parce que je riais trop et j'aurais manqué la suite. Autre film que j'ai vraiment trouvé très bon, j'avais vraiment hâte de le voir, c'est Victor Frankenstein, un film de Paul McKagan qui met en vedette James McAvoy, Daniel Radcliffe, oui, c'est lui Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter, et Jessica Brown Finley. C'est une révision, si on veut, du roman de Mary Shelley, Frankenstein. C'est un film très gothique, c'est un film qui est très... très bien imagé, qui est un souci du détail, et les acteurs sont extraordinaires, et la créature, eh bien, je vous laisse voir le film. C'est vraiment quelque chose d'excellent, Victor Frankenstein. Autre film fort intéressant à voir, qui est un film d'aventure à connotation fantastique, c'est In the Heart of the Sea, qui met en vedette Chris Hemsworth, qui raconte, c'est un film de Ron Howard d'ailleurs, et qui, ça aussi c'est une espèce de, si on veut, c'est pas un remake, je croyais que c'était le cas, mais c'est pas un remake, c'est une vision différente de Moby Dick, mais c'est l'histoire qui aurait inspiré Melville et écrire son roman Moby Dick d'après une histoire qui s'est fait raconter par un vieux marin qui a réussi à se rescaper d'un naufrage épouvantable dû à une baleine blanche. Effectivement, c'est un très bon film, c'est plus grand que nature par moment, et je dois dire que Ron Howard n'a pas manqué son coup avec ce film In the Heart of the Sea. mille pardons. Autre film qui était, ma foi, correct, principalement pour la fin, c'est Criminal Activities, qui met en vedette Michael Pitt, Dan Stevens et John Travolta, qui a un rôle relativement secondaire. John Plastic Travolta. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couches de superposées de chirurgie plastique dans la figure. Ou il est fait en cire, je sais pas. Ben, c'est pas mauvais. C'est un film d'action avec connotation criminelle. Mais c'est surtout pour la fin. Une espèce de dénouement un peu... qui remet dans l'ordre la chronologie, si on veut, ou qui nous amène des éléments qu'on ne connaissait pas. C'est pas un grand film, mais c'est divertissant. Un film que j'ai vraiment pas été capable d'écouter, c'est The Wave ou Ballgun, qui est un film, un drame à connotation action, qui raconte une histoire d'un tsunami qui se passe en Suède. Mais le problème, c'est que le film est en suédois. Donc, bon, oui, il y a des sous-titres, mais c'est pour moi, c'était excessivement rebutant d'essayer de me plonger dans le film alors que cette langue-là sonne très étrange à mes oreilles. Donc, j'ai pas aimé. Autre film, action thriller, Standoff, qui met en vedette Lawrence Fishburne et Thomas Jane. Ben, c'est intéressant. Si on aime le principe qu'il y a une grosse psychologie qui s'étend entre les deux protagonistes qui sont confinés à l'intérieur d'une maison et spécifiquement dans un escalier et un hall d'entrée. Mais c'est quand même intéressant. C'est pas si mal. C'est divertissant, Standoff. Si vous avez rien à faire, c'est fort correct. Un film qui m'a à moitié déçu et à moitié, je dirais, intéressé, c'est Regression. Un thriller fantastique qui met en vedette Ethan Hawke et Emma Watson. Ben, on a le trip d'Harry Potter, parce qu'Emma Watson aussi est un Harry Potter, bien sûr. C'est un policier qui enquête sur une jeune fille qui aura été victime de cultes sataniques et qui dévoile certaines choses. C'est correct, mais il y a une lenteur, une progression qui n'est pas suffisante à mon goût dans le film. Ce qui fait qu'on a la tendance à décrocher quelque peu à certains moments. Le jeu des acteurs est très bien. Ethan Hawke est vraiment bon. Emma Watson se débrouille très bien aussi. Mais c'est que c'est un petit peu en dentis, donc c'est dur de se tenir en haleine avec Régression. Mais dans les faits, c'est pas un mauvais film. Moi, personnellement, depuis les dernières semaines, ma déception, grande déception, est le dernier film, le huitième film de Quentin Tarantino, The Hateful Eight, qui met en vedette Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Eli Roth, Michael Madsen. Brochette d'acteurs qui sont fétiches à Quentin Tarantino. Eh bien, j'ai été très déçu de ce film qui, pendant 2h45, ne nous mène nulle part. Mais vraiment nulle part. Tarantino nous a habitués à avoir des fins, des dénouements qui sont très punchés, des situations qui sont parfois déroutantes et nous ramener dans une chronologie et dans des détails qui n'étaient pas évidents. Eh bien, ici, je dois dire qu'il a manqué carrément son coup. On sait exactement qu'est-ce qui va se dérouler depuis le début, c'est-à-dire rien. Et pour 2h45 de film, nous étirer ça à nous amener à peu près rien, je trouve ça très décevant. Le jeu des acteurs est très correct, spécifiquement Kurt Russell et Samuel L. Jackson, et même Jennifer Jason Leigh qui est très bonne. Eli Roth et Michael Madsen ont des rôles légèrement plus secondaires. Mais c'est très long et très lent. Donc, je vais lui donner une deuxième chance, chose que j'avais fait à l'époque avec Jackie Brown de Tarantino, justement, et que j'avais apprécié de façon, en fait, un peu plus appréciée pour, par la suite, le réécouter et le trouver tout à fait correct. Est-ce que ce sera le cas avec The Hateful Eight? Jusqu'à présent, j'ai de sérieux doutes. Voici, allons à cette... troisième, pourquoi qu'on n'irait pas là-dessus tout de suite? Quelle bonne idée. Pour risquer de ne... Enfin, de ne pas risquer de ne pas pouvoir la présenter. Je vous parle de la troisième parution de la soirée, qui est une nouveauté, qui est une formation, justement, suédoise, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Par contre, eux, ils chantent en anglais, c'est un peu plus compréhensible. Formation qui vient de Stockholm, je parle de Resistance. Formation Death Metal, la tendance roll par moment. Ils en sont à leur deuxième parution au studio complet, soit Coup de grâce, qui est paru le 22 janvier dernier sur Air Music. La seule chose que je peux dire de Resistance, c'est que lors de la première écoute, j'ai accroché automatiquement, j'ai aimé le genre, et justement, je vais vous permettre de pouvoir l'aimer aussi tout de suite. On va écouter deux pièces qui sont soit l'introduction Death March et I Welcome Death, qui sera suivi de Violator de Resistance. Go! Resistance, deux pièces tirées de coup de grâce qui est paru le 22 janvier dernier sur Air Music, soit à l'instant. Quelle horreur! Violator, et c'était précédé de l'ouverture de l'album, soit l'introduction Death March et la pièce I Welcome Death. J'ai beaucoup aimé. Comme je disais tout à l'heure, lors de la première écoute, j'ai été accroché, donc c'est le genre de death roll que j'aime bien. Et ouais, ça sonne super bien. Ce vendredi, compté de 11h, c'est l'émission Rock Classique. 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Et cette semaine, on fera rien de spécial. C'est une émission dite de programmation irrégulière, c'est-à-dire régulière, si vous préférez, dans laquelle allez-vous... oui, je viens de voir ma photo sur le site web. Je suis bien posé. Alain vous présentera une face complète de non pas un, mais bien deux albums vinyles classiques qui sont parus il y a respectivement 40 et 45 ans, soit Kiss Destroyer et le premier album homonyme de Black Oak Arkansas. Dans la chronique des groupes obscurs, Alain va vous parler de la formation Burning Plague, qui a fait carrière au début des années 70. Donc, en plus des chroniques qui sont les nouvelles, les éphémérides, ça passe ou ça casse, la fonte chez les amateurs de rock, et toutes sortes de choses plus sérieuses les unes plus que les autres, eh bien, vous aurez tout ça en classique dès 11h ici même à Cifou, en compagnie du Rockmaster et de moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Pain Pendragon. Autre chose aussi que vous devriez écouter ce vendredi de 18h30, c'est notre ami DJ Tower of Death et son émission Subversion. Et si vous avez envie d'aller prendre des informations de toutes sortes de choses qui sont underground, ben allez faire un tour sur le blog de mon ancien assistant, Amy Sinistro, sur lemort.com. Et si vous voulez en voir d'autres, ben allez sur réanimationad.com, parce que moi aussi j'en fais des chroniques. Ceci étant dit, on va se retrouver la semaine prochaine parce que c'est le dernier droit de l'émission. Je vais tenter de passer une partie du dernier bloc de ce spécial 98. Et la semaine prochaine, comme je le disais, c'est la présentation des albums de Entombed AD. Album que j'ai bien aimé, je dois dire, qui porte le nom de Death Down, ainsi que Destroyer 666, formation australienne, et l'album Wildfire, très, très bon album. Et aussi, comme à l'habitude, peut-être des chroniques cinéma. Ben oui, je vais vous parler de House of Cards, quatrième saison, que j'ai débuté à peine hier. Entre autres, je vous entretiendrai de cela. On va se laisser avec un dernier bloc qui, potentiellement, ne pourra pas être diffusé dans son entier. Mais je vous parle de cette deuxième partie de ce spécial 1998 qui met en vedette des albums du mois d'avril jusqu'au mois d'avril. Voilà, quelle surprise! Soit Soulfly et la pièce Bombclat qui est tirée du premier album Soulfly qui est paru le 21 avril. Je vous parle de Cradle of Field, formation britannique, et la pièce de Twisted Nails of Fate tirée de Cruelty and the Beast, le troisième, paru le 27 avril 98, bien sûr. Incantation, formation américaine, et la pièce Impending Diabolical Conquest, tirée de Diabolical Conquest, la quatrième parution studio de cette formation death metal, c'est le 28 avril. Et si on peut, on va se rendre jusqu'à Nile et la pièce Ramses Bringer of War, tirée de Amongst the Catacombs of Nefrenka, qui était le premier album de cette formation Technical Death Metal, qui lui est paru le 28 avril. On essaye, si on peut pas, just too bad. Et en attendant, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Mais allez tous vous faire foutre, bien entendu. Quoi? Merci. Toi aussi, va te faire foutre. C'est où? mirror, mirror, on the wall. It's not very pleasant to be my own, for if I shall see thy work done, grant me the witchcraft of thy tongue.